Monsieur Rogojine, il s'agit bien de cette Nastasia Philipovna à cause de qui votre père a voulu vous corriger avec sa canne. Elle s'appelle de son nom de famille Barashkov. Elle est pour ainsi dire noble, vu qu'elle est liée intimement à Afanassy Ivanovitch Totski, un pomiestchik, et par surcroît administrateur de nombreuses sociétés. Ce qui fait qu'il entretient des relations avec le général Yepanchin, et dont précisément notre prince, ici présent, est le cousin. Peste! Cette crapule de Lebedev a vraiment l'air de tout savoir. Eh oui, Lebedev, c'est tout, votre noblesse. Comment as-tu connu Nastasia Philipovna, Moulit Blatt? Comment, mais tout simplement, votre noblesse. Le petit Likhatchov et moi, nous avons été inséparables pendant 2 mois. C'était aussitôt après la mort de son père. À présent, Likhatchov se trouve en prison pour dette. Abrège. Mais en ce temps-là, Likhatchov fréquentait la Coralie, la princesse Paka et Nastasia Philipovna. Nastasia Philipovna, dis-tu? Est-ce que ce vaurien de Likhatchov a eu quelque chose avec Nastasia Philipovna? Rien, absolument rien. Rassurez-vous, votre noblesse. Likhatchov n'a rien pu obtenir d'elle, malgré toutes ses dépenses. Nastasia Philipovna n'est pas une Armance ou la princesse Paka. Elle est fidèle à son protecteur Trotsky. Des officiers ont beau se vanter d'obtenir d'elle des faveurs, ils ne peuvent rien prouver, et pour cause. Nastasia Philipovna mène une vie irréprochable. C'est juste. Zadeïev m'a dit la même chose. Un jour, prince, je marchais sur la perspective Nevski. Tout à coup, je vis une femme sortir d'un magasin et monter dans son carrosse. J'en restais comme cloué au sol. Je n'osais pas respirer. À ce moment, Zadeïev s'approcha de moi. Zadeïev, bien qu'il soit fils d'un marchand, c'est autre chose que moi, vous savez. Ah ? Et en quoi ce Zadeïev est-il différent de vous ? Moi, je suis vêtu depuis des années de la vieille houppelande de mon père et chaussé de bottes éculées. Zadeïev, lui, porte un habit de diplomate. On sent à 10 mètres le parfum dont il s'asperge. Et il a un monocle. À la main, d'ailleurs. Il a peur de s'écorcher l'œil. Mais peu importe comment il est, ce Zadeïev. Ce jour-là, il m'a dit... Ce n'est pas une femme pour toi, Parfen. Elle s'appelle Nastasia Philipovna et elle vit en concubinage avec M. Totski. Tu as compris, n'est-ce pas? Cependant, si tu veux la revoir, tu peux la trouver ce soir même dans sa loge, au Grand Théâtre. Seulement, si ton père apprend que tu t'es rendu au palais pour voir des femmes nues, il te battra jusqu'au sang. Et vous savez, prince... Zadeïev disait vrai. Néanmoins, je suis allé au Grand Théâtre en cachette, pour 1 heure. Et j'ai revu Nastasia Philipovna. Et je n'ai pas dormi de la nuit. Ah, comme je vous comprends, votre noblesse. Nastasia Philipovna est la plus séduisante femme de Saint-Pétersbourg. Prends garde, Lebedev, les mêmes démanges. Le lendemain, prince, feu mon père m'a donné 2 traites à 5%, de 5 000 roubles chacune. J'ai fait escompter les 2 traites et j'ai empoché l'argent. Mais au lieu de me rendre chez Andreïev, je me suis précipité dans un magasin anglais. J'y ai choisi une paire de boucles d'oreilles, chacune garnie d'un gros diamant. Et j'y ai laissé la somme tout entière. Puis j'ai couru chez Zadeïev. Frère, lui ai-je dit, mène-moi vers Nastasia Philipovna. Il m'y a amené. On nous a introduits dans un salon. 5 minutes plus tard, Nastasia Philipovna nous y a rejoints. Je n'ai pu proférer un mot. C'est Zadeïev qui a parlé. Voici une paire de boucles d'oreilles, madame. C'est de la part de mon ami Parfen Rogojine, en souvenir de la rencontre d'hier. Faites-lui le plaisir de les accepter. Nastasia Philipovna a ouvert l'écrin, a regardé les boucles d'oreilles et a souri. Remerciez, je vous prie, votre ami Parfen Rogojine de son aimable attention. Puis elle a disparu, semblant ignorer que c'était moi, Parfen Rogojine. Lorsque nous avons été dehors, Zadeïev s'est mis à ricaner. Comment vas-tu régler tes comptes avec ton père à présent? Il va t'assommer, le vieux. D'un coup de poing, J'ai fait rouler Zaleyev dans le ruisseau. Oh, à vrai dire, j'avais plutôt envie de me jeter à l'eau que de rentrer chez moi. Puis j'ai pensé... Ah, qu'importe qu'il me tue. Et j'ai regagné la maison. Aïe, aïe, aïe. Quand je pense que pour 10 roubles, feu votre père envoyait les gens dans l'autre monde... M'ayant enfermé dans une chambre, le père s'est mis à me corriger. Lorsqu'il en a eu assez de frapper, il m'a dit... Ce n'est qu'un hors d'œuvre, Parfen. Je reviendrai tout à l'heure et te servirai le repas tout entier. Et que croyez-vous qu'il a fait, prince? Il s'est rendu chez Nastasia Philippovna. Il s'est prosterné devant elle, il l'a supplié, il a versé des larmes. Dégoûté, Nastasia Philippovna finit par lui jeter à la figure les boucles d'oreilles que je lui avais offertes. Tiens, les voilà tes boucles d'oreilles, vieille barbe. Prends-les. Et n'oublie pas de saluer de ma part ton fils, Parfen Semyonovitch. Moi, pendant ce temps, j'ai fait sauter la serrure de la chambre où mon père m'avait enfermé. J'ai emprunté 20 roubles à Protenchine et j'ai pris le train pour Pskov. J'y suis arrivé avec une fièvre de cheval. Au lieu de me soigner, je suis allé au cabaret. J'y ai laissé mes 20 roubles. Ivre mort, j'ai passé la nuit dans la rue. Voilà, prince, ce que m'a valu ma rencontre avec Nastasia Philippovna. Eh bien, mais maintenant, tout cela va changer, votre noblesse. Qu'est-ce que c'est qu'une paire de boucles d'oreilles? Moins que rien. Nous allons offrir à Nastasia Philippovna de tels cadeaux... Si tu ajoutes encore un mot au sujet de Nastasia Philippovna, je vais te faire fouetter, épouvantail de malheur. Oh, ah, si vous prenez la peine de me donner du fouet, c'est que vous ne me repoussez pas. Oui, une fois fouetté, je peux me considérer comme votre homme. Nous voici arrivés, votre noblesse. Tiens, Zaleyev est là aussi. Tous, ils sont là. Prêts à marcher sur deux pattes pour avoir leur morceau de sucre. Rogojin cracha par la fenêtre dans leur direction et se tourna vers moi. Prince, je ne sais pas pourquoi, je me suis pris d'affection pour toi. Est-ce parce que je t'ai rencontré au moment où ma vie va changer? Mais j'ai également rencontré Lebedev et pour lui, je n'ai éprouvé que de l'aversion. Viens me voir, prince. Je t'enlèverai tes vieilles guêtres et ton manteau fané, et je te donnerai de belles bottes en cuir et une pelisse de martre. Je bourrerai tes poches d'argent. Et nous irons chez Nastasia Philippovna. C'était « L'idiot », un feuilleton de Georges Govy inspiré de Dostoïevski, avec Pierre Vanek, Marcel Bozuffi, Jean-Jacques Delbeau, Michel Garnier, Maurice Glas et Sylvia Montfort. Musique d'Edgar Cosma. Production réalisée dans les studios de la RTF à Nice par Yves Dariet, avec la collaboration de Jacques-Élie Moreau et le concours de la troupe dramatique régionale.